entretien. Je croyais faire, mais j'ignorais les bonheurs que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans mon cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Oh, sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Sa puissance souveraine maintenant règne sur moi. Du péché brise la chaîne, mais rend vainqueur par la foi. Oh, oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Oh, sur mon chemin rayonne, depuis qu'il connaît mes pas. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Et tranquille, les mains j'avance, m'appuyant sur mon sauveur. Son adorable présence me donne le vrai bonheur. Oh, la paix, oh, la paix que je s'étonne, ce n'est là que ne sait pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il connaît mes pas. Oh, la paix que je s'étonne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il connaît mes pas. Pour la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Quand sur mon chemin rayonne, depuis qu'il connaît mes pas. Pour la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Être chrétien. Vous allez montrer son semblable à Christ. C'est l'idéal que nous avons et que nous poursuivons. Quant au genre de vie que nous menons, la qualité spirituelle de la vie que nous menons, nous voulons être comme lui. Jésus-Christ, notre divin modèle. Que telle soit la prière sincère de chacun de nous. Pour ne pas perdre le temps dans les choses du monde, sous le coup de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, et l'orgueil de la vie. Que Dieu aide chacun à avoir un cœur sincère, un cœur de chair flexible à sa volonté, un cœur déterminé à obéir, un cœur décidé à s'en tenir strictement à la parole. Pas de vienne que pourra. Dieu bien-aimé, nous remercions ce soir de l'occasion que tu nous as donnée, que nos esprits communient avec toi, que nos cœurs se recueillent en ta présence, que nos âmes soient répandues devant toi, pour refaire tout ce qui est différent, pour vérifier toute requête, échanger sur toi tous nos soucis et repartir d'ici sans soucis, sans inquiétude. C'est une des raisons pour lesquelles nous prions. Ne vous inquiétez de rien, mais quand toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications. Après avoir exprimé ces besoins, nous devons nous décharger des inquiétudes, nous devons abandonner les soucis, nous séparer totalement de ce que tu dis, ne plus nous questionner, avoir la paix du cœur, avoir la tranquillité dans l'âme, nous tenir tranquille sachant que tu es Dieu et que tu accompliras ta parole, tu accompliras ta volonté, te livre chacun de nous à ce point, nous prions un instrument entre tes mains, que nos prières soient exaucées de toi. Et que notre joie soit grande. Au nom de Jésus-Christ, exhorte nos enfants maintenant. À le nom de Jésus-Christ, notre gardien, prions ici. Amen. Amen. Nous lisons dans la parole de Dieu quelque chose dans Philippiens au chapitre 2e. Philippiens 2, verset 8. À 10. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Ozomiye na motimbo na moto, amiki tisipe, atosi kinakufa, ee kinakufa na ikuwasu. Yango wana nzambe, amipalie mingi, pe atosi ye kombo kuleka kombo mususu yaso. Ati na kombo na yaso, mabongo yaso, mabunda na yango na likolompe, yango na mokili. Kwa yango na se na mokili. Hebreu, chapitre 5, verset 8. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous souhaitons à chacun bienvenue à cette table d'exhortation. À ce moment sacré de méditation, qui vient compléter nos moments de prière, pour que nous soyons corrects devant notre Dieu. Nous avons montré ses voies en ce temps de la fin, à travers le message du temps de la fin, qui est la lumière du soir, une lumière prophétique qui éclaire les croyants et prépare l'église à l'enlèvement imminent. Glorifions Dieu à la cause de cela. Et nous estimons que c'est un privilège que nous soyons présents ici, non pas que nous surpassons qui que ce soit, mais nous nous comparons à notre Seigneur, et nous voyons qu'il nous apprend à les suivre vraiment, à prendre au sérieux ses recommandations, à appliquer sa parole. Alors notre exhortation ce soir, c'est au cours de ça justement, apprenons l'obéissance à la parole. Personne d'entre nous n'est né parole faite chair. Aucun de nous humains n'est né parole devenue homme. Un seul était né parole faite chair. Et c'est Jésus-Christ, le divin maître. Lui qui vient d'en haut. Et qui n'est pas d'en bas comme nous. Et il était dit ceci dans Jean au chapitre 3. Et au verset 31. C'est lui qui vient d'en haut et au-dessus de tous. Et c'est lui qui est de la terre et de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Et c'est lui qui vient du ciel et au-dessus de tous. Et c'est lui qui est venu d'en haut, qui était au-dessus de tous, Jésus-Christ, que nous appelons notre Seigneur, et aussi notre Sauveur. Il est écrit de lui dans Jean chapitre 1, vous le savez, au verset 14, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il est celui qui est venu d'haut, qui est venu vraiment du ciel. Et il était au-dessus de tous. Il était la parole matérialiste. Il était la parole humanisée. La parole devenue un homme visible, palpable, tangible, audible. C'était lui. Il était au-dessus de tous. Et la qualité de vie qu'il a menée lui a fait dire ceci. Et verset 29. Jean chapitre 8, verset 29. C'est lui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est la qualité de vie que lui Jésus-Christ a mené sur nous. Il était la parole matérialiste. La parole devenait un homme visible. La qualité de vie spirituelle qu'il a menée était une vie exemplaire pour tous les croyants. Une vie agréable à Dieu. Tellement agréable à Dieu, qui est le juge de tous, le juge suprême, qui a pu même poser la question à ses contemporains, ceux qui l'ont vu vivre et qui l'ont vu vivre. Au verset 46, qui de vous me convaincra de péché? Tellement il était certain qu'il y a une parole de Dieu. Et moi, Jésus, je n'ai pas cru. Il y a une certaine vérité de Dieu à laquelle moi, Jésus-Christ, je n'ai pas obéi. Qui d'entre vous peut lever son petit doigt, mais... et m'en convaincre. Que personne n'a pu oser. sa vie était tellement irréprochable. Et même les démons qui sont les promoteurs de l'incrédulité ont déclaré et reconnu être le Saint de Dieu. La vie que Jésus-Christ a menée sur terre était tellement irréprochable, elle était tellement sainte et moderne que non seulement aucun humain Ça doit nous faire du bien d'entendre ça. Que notre maître à nous est au-dessus de tous. La qualité de vie qu'il a menée est tellement au-dessus de tous. Et au-dessus même de la vie des démons. Comme quand le premier prêché sera motivé, la vie des démons. Et ça existe, hein. Les démons ont leur vie. Hein? Et il y a des humains qui sont sur terre ici. Parfois sont des démons dans la chair. Tout le contraire de ce que Jésus-Christ était. Il y a des gens qui sont des démons dans la chair humaine, faits pour tout le monde. Et pour priver la paix aux autres. Ils sont des démons. Judas Iscariot était l'un d'eux. Né d'un père d'une mère sourde, le néfit de la perdition. Il était venu dans un but pour vouloir amener le fils de Dieu à la chute. La choper, donc le mec qui ne perd son matrimoine. Démon. Démon. Mais nous ne voulons pas en avoir comme ça parmi nous. Des casse-têtes, des pierres d'achoppement. Nous devons être les pierres d'édification. Des candidats qui aident nos semblables à croître avec Dieu, à profiter de la relation avec Dieu, et à y trouver les délices et les bonheurs. Et non pas les sujets de plaintes et de murmures. Bien-aimé, Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Il laissait la parole faite chair. Mais attention, malgré tout ça, il a appris l'obéissance. Bien qu'il était le Fils de Dieu, reconnu comme tel par le ciel, dès le moment de sa conception, dans la matrice vierge de Marie, vous trouvez qu'il est écrit dans Luc chapitre 1er, il a dit ceci, versets 34 et 35, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Manje azonisi mwana kwete, mwalimu mwosantu ya kuyali kolo na yo. Pe nguyana oyo alikini kolo na kujipa yo. Yambayana mwana na bule oyo akubotama, akubyangama mwana na zambe. Non, il est reconnu et déclaré Fils de Dieu par l'ange Gabriel venu du ciel dès le moment de sa conception. Ah, il venait d'être conçu au moment où il venait d'être conçu pour naître sur la terre. Déclaré et reconnu Fils de Dieu. Pas juste Fils tout court, mais Fils de Dieu. Malgré cette identité, destinée. Il a hérité après sa naissance. Il lui a collé à la peau dès sa naissance. Il était né fils de Dieu. Il était le Christ du Seigneur. Il était le roi de Dieu. Il était le sauveur de nos chants. Malgré cette identité, il a appris l'obéissance. Bien qu'il était fils. C'est ce que nous avons lu dans Hébreux 5, verset 9. Il a appris l'obéissance, bien qu'il fût fils, par les choses qu'il a souffertes. Donc Dieu a aménagé son chemin, mais qui était un chemin de souffrance. Des souffrances à travers lesquelles le fils de Dieu devait apprendre l'obéissance à la parole. Non pas un chemin de gens. Quel divin modèle avons-nous là? Un modèle parfait. Gloire soit rendue à Dieu. Dans Jean chapitre 4, écoutez les parler, le même Jésus. Amen. Homme de douleur habitué à la souffrance. Et dit ceci au verset 34. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc si lui, il lui arrivait de ne pas faire la volonté de celui qui m'a envoyé, il avait pendant 5 minutes, il se considérait comme un affamé. Comme quelqu'un qui a tellement faim, qui n'a pas mangé. Qui a tellement faim, qui n'a pas mangé. Quand sa nourriture à lui consiste à faire la volonté de Dieu. Quand il fait la volonté de Dieu, cela son repas. Quand il fait la volonté de Dieu, voilà la chose qui le satisfait. Voilà la chose qui le mettait à l'aise. C'est de faire la volonté de Dieu. Sans cela, il est affamé. Jean, chapitre 6. Il dit ceci. verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà à quel point sa vie était liée à la volonté de Dieu. Et nous exhortons ce soir, à négocier votre vie à la volonté de Dieu. Car Jésus a fait tout ça pour nous laisser un exemple à suivre. Pour nous donner un modèle immuable. Parfait. Que nous puissions marcher sur cette trace. Que nous puissions emprunter le chemin qu'il a emprunté. Car il a dit qu'il était le même ce chemin. Amen, amen. Amen. Voilà ce que Jésus-Christ, notre divin modèle, est fait. Malgré la multitude de souffrances, Et pourtant, il existait auparavant en forme de Dieu. Comme on l'a lu ici dans Philippiens. Il avait existé en forme de Dieu. Mais il ne s'est pas régalé de ça. Savoir qu'il était Dieu, ce n'est pas ça qui le mettait à l'aise. Mais de faire la volonté de Dieu, c'est ça qui le mettait à l'aise. De contenter d'être appelé chrétien. On t'appelle frère, ça te met à l'aise. On t'appelle frère, c'est vraiment ce que tu aimes. Non. Détourne-toi d'une telle mentalité. Les gens peuvent t'appeler frère, mais Dieu ne te reconnaît pas frère. Les humains peuvent te coller tous les bons titres. Mais si Dieu ne te concède pas, ça ne t'appelera pas. C'est de faire la volonté de Dieu. Il va nous satisfaire. Le soleil se lève, le soleil se couche. Et je fais la volonté de mon Dieu. Je fais ici, c'est là. Je fais ceci, c'est là. Est-ce que mon Père a trouvé plaisir à moi? Est-ce que mon Père céleste donc, ça ne sert à rien de s'attribuer des titres. Vous avez présenté des titres. Je viens de m'appeler comme ça, frère. Si un frère ne m'appelait pas autrement. Je suis un frère de m'appeler pas autrement. Si Dieu ne reconnaît pas tout ça, ça ne vous sert à rien. Je suis un frère de m'appeler. Jésus a lui-même dit. Je suis un frère de m'appeler. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent le Seigneur. Je suis un frère de m'appeler. Mais seul celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est là. C'est celui-là qui entrera. Tu peux l'appeler Seigneur. On peut t'appeler frère. On peut t'appeler grand chrétien. Au grand homme de Dieu. Au grand enfant de Dieu. Tu vois ça, tu vois ça, on me reconnaît. On me reconnaît. Mais ils ne sont pas Dieu ces gens-là. Tout homme est menteur. Beaucoup d'entre eux sont des flatteurs. Ne vous fiez pas au dire des hommes. Cherchez l'approbation de Dieu. Pour lequel ce royaume, il y a ce celui-là, l'individu qui fait la volonté de Dieu. En quoi c'est peine perdue. Jésus voulait faire ça. Et de souffrances sont multipliées sur son chemin. Comme il s'en est jamais plaint. Il n'a jamais murmuré à son sujet. Il n'a jamais accusé personne d'être l'auteur de ses souffrances. Il a assumé son choix de la volonté de Dieu. Il a choisi la volonté de Dieu. Ça aussi fait de même. Il existait auparavant en forme de Dieu. voilà qui n'a pas fait l'engagement. Il était la parole qui était dite. Voilà qui le voyait, voilà qui le voyait. Mais malgré tout ça, soana, il devait apprendre à obéir. Et la taille pour la photo, ça. Et l'écriture dit, et comme il le dit, il s'est humilié. Ami qui tifaki, ami fokamati, et il s'est rendu obéissant. Jusqu'à la mort. Et, non, et même la mort de la croix. Et il s'est fait obéissant au dictat des humains. Ce qu'il voulait faire de lui, lui, c'est le préfet. Quand il voulait lui arracher la barbe, il s'est le préfet. Quand il voulait fouetter, il s'est le préfet. Quand il voulait s'habiller complètement, c'est le préfet. Quand il voulait se plaindre, jusqu'à être exposé nuit à public. Il ne va pas dire que vous n'avez pas battu. Mais il n'a qu'une personne. Il a fondé qui m'a tenté. Et il s'est plein de personnes. Amélie, qui t'a fait la moto moko. Un caractère modèle. Vous allez le voir dans ça. Une référence pour nous. Voilà, dans ce cas, pensez à qu'on a bien fait. Et c'est lui qui croit des amens. Vous allez qu'on dit mal à vous. Crois pour devenir ça. Pour atteindre une telle maturité. Crois pour être semblable à ça. Pour être semblable à ça. Pour être semblable à ça. Mais nous, quand les souffrances viennent, les sommeils s'enfuient. Alors que nous sommes nés dans le péché. Et nous méritons nos sorts souvent. Hérité de nos parents. Nous prédispose à souffrir de tout genre. La Bible a dit dans Job 5 qu'un homme né pour souffrir. Tu n'es pour souffrir. Les conditions dans lesquelles tu es né. Comme David a dit, je suis, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Je suis né dans le péché. Je suis venu au monde en proférant le mensonge. Ayant un caractère hérité, un caractère impartial. C'est un caractère de souffrance souffrance. Mais des souffrances méritées. Celle du Fils de Dieu. C'est une souffrance injuste. Il était méchant et pas. Il était une parole Dieu. Le Seigneur est sauveur. Il était le loin de Dieu. Le Messie, le Christ. Mais il devait être l'homme de douleur. Habitué à la souffrance. Il ne s'en est jamais plaint. Mais dans nous qui ne sommes pécheurs. Qui ne sommes cobayes. Nous avons la nature animale. Le programme dit que l'homme était mammifère à 100 choses. Nous avons des humeurs, des choses. L'homme peut conduire les animaux, mais l'homme peut conduire l'homme, c'est tout un problème. Et tout le monde reconnaît que l'entreprise, conduire les humains, c'est l'entreprise la plus difficile. Quelle complication vous n'allez pas rencontrer. Le fait accompli, et vous serez coincé au pied du mur. Vous maillez les costumes là. Conduire les humains. C'est l'entreprise la plus difficile. Le travail le plus compliqué. On ne peut pas tout prévoir. Les réactions, ni de ce qu'ils feront. Les humains. Maintenant imaginez. Nous naissons comme ça pervertis, abîmés, mal influencés. Nous sommes encore disposés à nous plaindre et murmurer de ce que nous arrivons. Eh, Gaï Kakaboye, oh, moi vraiment, pourquoi seulement moi? Pourquoi pas les autres là-bas? L'autre là-bas, c'est lui. Mais tous, vous êtes mes pécheurs. Votre nature pécheresse. Vous prédispose à des milliers de personnes. Nous sommes nés désobéissants. Nous sommes nés étrangers à la vie de Dieu. La vie de Dieu n'existe pas à nous là. Notre culture, notre coutume, notre tradition est corrompue et fausse. C'est confus. Vous allez penser à la mais c'est la parole qui est la lumière qui nous révèle. Et regardez même quand nous venons à la parole. Elle nous interdit de nous inquiéter. Elle nous interdit de nous soucier. Elle nous interdit de murmurer. Et nous cessons de le faire. Mais après avoir entendu l'évangile, nous continuons à murmurer. Nous continuons à nous inquiéter. À nous angoisser. À nous compliquer la vie. Nous sommes des méchants et des mauvais. Mais apprenons l'obéissance à la parole. Jésus qui était parfait a appris à subir la volonté et aller dans ce sens. Il semblait contraire à la volonté de sa chair. Il devait se soumettre. Même jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Il devait se soumettre. Et toi aussi, emprunte ce chemin. C'est très très important. Dans la Bible, au temps d'Ésaïe, Dieu nous avait dit ceci. Et je suis revenu dans une prédication, ça fait des années. La méditation disait, apprenez à faire le bien. Alors, dans Ésaïe chapitre 1, Dieu dit ceci. Verset 14-17. Mon âme et vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de laisser pour Dieu. Sans la bina na sitapé, bilambo la bina, bibongisame, molimo nandai, aini yango, esili kokoma, bozito etai nandai, lambi pona, kokumba yango. Na lembi kokumba yango. Lambi pona kokumba yango. Je dis, je suis là de laisser pour Dieu. Ce sont des gens qu'il a appelés à lui, à qui il a enseigné sa loi, à qui il a enseigné sa volonté, mais il n'arrive pas à se conformer. Dieu a supporté pendant des années. Vous faites là même des réjouissances, vous essayant d'observer le fait de l'éternel, célébrer le Seigneur. J'en ai marre. Parce, pourquoi? Il va donner raison. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Quelle est la raison? Vos mains sont pleines de sang. Vous êtes des sanguinaires. Et quand c'est de la bino, ma poco la bino, la poubon de la bino, la poubon de la bino, mes sonandaï. A ta poubon de la, ma bon de l'immingi, penza, c'est comme Dieu a dit que celui qui est son frère était meurtrier. Mais tu viens multiplier les prières ici, mais tu as la haine contre ta soeur. Tu as la haine contre ta soeur. Tu as la haine contre ton frère. Retenez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Vous donnez raison et vous êtes fiers en adoptant les attitudes qui ne reflètent rien d'autre que la méchanceté. Mais vous dites chrétien. Mais le comportement, les attitudes, les décisions que vous prenez, c'est les décisions de méchanceté. Pas de beauté, mais de méchanceté. Pas de ressemblance à Christ, mais de reproduction de la Christ, vous voyez. Et vous êtes fiers de ça. Vous êtes heureux dans ce comportement. Rien ne vous rapproche. Mais Dieu vous voit. Il dit, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Dieu vous demande de le faire. Lavez-vous, purifiez-vous. Et tout ce péché qui vous suit davantage et qui ramène votre tableau aux sombres devant Dieu. Vous allez commettre ma épine de la vie, mon lit, vous allez essayer de vous éclairer. Il a essayé de vous laver un peu. Mais les actes de méchanceté auxquels vous revenez, assombrissent votre image devant Dieu. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos âmes. Chaque habitude à laquelle vous êtes attaché, posez-vous la question. Est-ce une attitude de bonté? Est-ce une attitude de gentillesse? Ou de méchanceté? Pour attendre. Méchanceté qui te colle à la peau de part après même les sangs. Bien méchant comme tes parents étaient méchants. Et voilà toute la complication de ton parcours. Vous devez naître de nous. Vous devez changer de nature. L'eau de la parole nous lave chacun. Il veut des grâces, fasse miséricorde. Sans jongler pas sa vérité. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Dis ça à ton voisin un peu là. Dis le côté. Cessez de faire le mal. Si vous voyez son gaïté, nous avons voisin nous a été aussi gros. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Donnez à l'orphelin. Défendez la veuve. Tout ça, vous devez le faire. Dieu nous le demande. Nous sommes ici pour apprendre l'obéissance. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Olivia, Olivia, gloire à Dieu toujours. Amen. Je vous prie, j'allais poser les choses à cette église. Donc là, je suis de la Laodicée. Je connais la Laodicée. À la page 360. Donc à partir du premier alinéa. Jusqu'au cinquième alinéa. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est une question qui nous vient tout naturellement à l'esprit. Qu'est-ce que nous devons faire? Je disais que nous sommes dans l'exposé de cette église. Page l'église de l'Odyssée. Page 360. Du premier au cinquième alinéa. Il dit ceci. Alors, dans Apocalypse 3, verset 21. Il est écrit que celui qui viendra, je le ferai asseoir avec moi. Nous savons que c'est dans mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et je suis assis avec mon père sur son trône. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est une question qui nous vient tout naturellement. Mais ce n'est pas vraiment de cela qu'il s'agit dans ce verset. Mais cela ne nous dit pas Qu'est-ce que nous devons faire? En effet, il ne s'agit pas tant de savoir quoi vaincre, mais de comment vaincre. Et c'est logique. Car est-il important de savoir quoi vaincre? Au moment que nous savons comment vaincre, si tu commences à chercher la liste des choses à vaincre, vaincre ceci, vaincre ceci, vaincre cela, vaincre cela, tu sais qu'en réalité, tu achèveras ta vie sur terre sans épuiser cette liste. Chaque jour, tu découvriras de nouvelles choses à vaincre. Chaque fois que tu apprends la parole, tu voudras renverser. Mais il n'est pas ici trop question de chercher à savoir quoi vaincre. Mais ce qui nous tient à cœur, c'est savoir comment vaincre. Quand tu connais comment vaincre, alors tu vaincras tout ce qui se pointe. Les vieilles nouvelles choses, tu les vaincras toutes. Les vieilles nouvelles maladies, tu les vaincras toutes. Quand tu sais comment vaincre, les vieilles nouvelles épreuves, tu les vaincras toutes. Quand tu sais comment faire. Mais si tu établis la liste, elle ne sera jamais exhaustive. Parce que la vie est faite de réalités multiples et innombrables. On ne peut pas dénombrer ça. Donc ici, il s'agit de comment faire. Pour voir combien c'est vrai, il suffit de jeter un coup d'œil au passage biblique qui nous montre comment le Seigneur Jésus avait. Comment lui il avait vécu? Dans Matthieu chapitre 4, où Jésus est tenté par le diable, il a vaincu les tentations personnelles de par la parole. Et seulement par la parole. Je veux que ton amen soit profond et sincère. Voilà comment vaincre. Et par la parole. Seulement par la parole. Ce n'est pas 52 jeunes et prières. C'est 80 Ave Maria. Ou réciter notre Père Jésus, c'est 50 fois. Pour vaincre notre divin modèle Jésus-Christ, et nous venons de décrire brièvement ce soir, il n'a utilisé que la parole. Et seulement la parole. Dans chacune des trois principales épreuves qui correspondaient exactement à la tentation du jardin d'Éden. Hein? En quoi consistait brièvement la tentation du jardin d'Éden? Trois points saillants. Le premier point, la convoitise de la chair. Le deuxième point, la convoitise des yeux. Le troisième et dernier point, l'orgueil de la vie. Pour un croyant affermé, il voit déjà à quel passage biblique on ferait aussi allusion dans le Nouveau Testament. Du jardin d'Éden. Dans Genèse là où commençait. Pour un croyant affermi, il sait quel passage du Nouveau Testament. Énonce ces trois principes ici. Dénonce ces trois choses ici. La convoitise des cieux. La convoitise de la chair. Et l'orgueil de la vie. C'est quoi l'auteur dans le Nouveau Testament? C'est qui? Vous allez nani? Non. Vous avez joué. C'est qui? Tu as tâtonné ou tu dis vrai? Tu es sûr? C'est Jean. Mais c'est dans 1 Jean chapitre 2, non? On l'a toujours dit sur verset 15 et 16. Hein? Si quelqu'un n'aimait point les choses, le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est évident, ces choses-là qui sont dans le monde sont lesquelles? La convoitise de la chair, la convoitise des cieux, l'orgueil de la vie. Là se trouve non pas dans le Père, mais dans le monde. Vous devez vaincre ça. Et ce sont les peines et tentations. Toute la bataille que nous menons sur la terre. La femme a vu avec les yeux que l'arbre était bon à manger. Et précieux pour ouvrir l'intelligence. Agréable à voir. Bon à manger. Dans sa chair là et tout. Convoitise de la chair, bon à manger. À la vue. Convoitise des yeux. Et précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais l'orgueil, je deviendrai comme Dieu. Je connaîtrai plus, je la connaissance qui enfle d'orgueil. Qu'on acquiert dans le monde ici. Qu'on acquiert par l'industrie des péchés. Que Dieu nous fasse. Alors, Jésus a été soumis à ces trois tentations. Les trois tentations qu'il a connues dans Matthieu 4. C'est exactement convoitise des yeux. Convoitise de la chair. Orgueil de la vie. Bon, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails. On n'a pas le temps de vous allez méditer vous-même. Et déchiffrer chacune d'elles là-bas. Dans Matthieu 4, tout comme dans Luc 4. Voyez. Et Jésus a vaincu par la parole. Jésus a vaincu par la parole. Ève a succombé à la tentation personnelle de Satan. Parce qu'elle ne sait pas servir de la parole. Quand vous utilisez vos sentiments, vous utilisez vos raisonnements, vous utilisez l'éducation familiale, vous utilisez l'expérience foutue de votre famille, et pensez vous appuyer sur ça pour faire. N'utilisez que la parole. Non, pas votre coutume. Prenez la parole comme modèle. Prenez-la comme référence. C'est votre absolue. Mais Jésus a vaincu par la parole. Adam est tombé en désobéissant carrément à la parole. Et Jésus a vaincu par la parole. Et maintenant, je vous dis que c'est la seule manière de vaincre. Et c'est aussi la seule manière de savoir que vous avez la victoire. Parce que la parole ne peut pas faillir. Quand vous vous en tenez à la parole, la parole vous tiendra tout le temps. Elle vous maintiendra debout. Elle vous maintiendra fort. Elle te tienne que pourra. Mais quand vous allez vous appuyer sur la tradition, un jour la tradition vous décevra. Il n'arrivera qu'un détail de la tradition vous échappe. Ce n'est pas une situation réelle. Et pour être dépanné, vous devez aller voir grand-mère Initel. Et les gens qui vous passent à cette grand-mère pour qu'elle vienne vous dépanner, vous vous souvenez qu'elle était morte il y a 8 ans. Elle est enterrée. Et vous serez tenté d'aller vers ceux qui évoquent des esprits de mort. Hors parole, bien sûr. Vous allez interroger votre grand-mère. Car tellement vous comptez sur ce qu'elle va vous dire. Et là, vous serez très loin de Dieu. C'est pas de Dieu. C'est ce qui évoque les morts. C'est pas de Dieu. Dis la loi de Dieu dans la Bible. Vous voyez, frère, ne vous appuyez pas sur la tradition. La tradition est défaillante. La coutume est éphémère. La parole de Dieu demeure éternellement. Elle ne peut pas faillir. Remarquez encore, comment Jésus a vaincu le système religieux du monde, constamment harcelé par les théologiens de son époque. Jésus a toujours appliqué la parole. Il ne disait que ce que le Père lui donnait de dire. Et le monde a toujours été parfaitement confondu par sa sagesse. Parce que c'était la sagesse. C'est de Dieu. Pas celle de la coutume, mais celle des ancêtres. En lui incarné la sagesse de Dieu. Et dans sa vie personnelle, dans sa lutte avec lui-même, il a vaincu par l'obéissance à la parole de Dieu. Et dans Hébreux 5, verset 7 à 9, il est dit que celui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Et il a appris bien qu'il soit fils l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur de salut. À quoi a-t-il obéi là? À la parole de Dieu. Par conséquent, personne ne s'assiera sur le trône du Seigneur Jésus. Jésus-Christ, sans avoir vécu cette parole. Vous voulez avoir une portion dans le domaine de Christ? Dans son trône? C'est le cas, obéissez à la parole, appliquez toujours la parole, tenez-vous-en à la parole. Faites tout ce que la parole vous dit de faire. Amen. Sans quoi? Toutes vos prières, tous vos jeûnes, toutes vos repentances, quoi que vous apportez à Dieu, rien de tout cela ne vous donnera le privilège de vous asseoir sur ce trône. Ni les prières faites en dehors de la parole, ni les jeunes pratiqués aux révélations de la parole, ni vos repentances. Quand on fait une retraite là-bas, on va pleurer beaucoup vraiment. Mais si c'est en dehors de la parole, si ce qui se fait hors parole, on n'agréera jamais ça. Vous ne finirez nulle part avec ça. La parole de Dieu a dit dans le proverbe, celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, est inabominable. Écoutez toujours la parole. Appliquez la parole. Et tenons-nous-en à la parole. Utilisons le langage de la parole. Et c'est comme ça que nous réussirons, que nous vaincrons, que nous gagnerons. Voyez, toutes vos prières, tous vos jeûnes, toutes vos repentances, quoi que vous apportez à Dieu, rien de tout cela ne vous donnera le privilège de vous asseoir. Ça ne sera accordé à l'épouse parole. Comme la reine partage le trône du roi, parce qu'elle est unie avec lui, de même les seuls qui partageront le trône seront ceux qui sont dans cette parole. Comme il est lui-même cette parole. Soyez de cette parole. Expression de cette parole. Manifestation de cette parole. Application de cette parole. L'obéissance de cette parole. Que toute votre vie devienne cela. C'est mon souhait, c'est mon vœu. C'est ma prière pour vos âmes. Ne m'oubliez pas. Nous voulons vaincre. Et pour vaincre, la seule et l'unique manière, c'est par la parole. L'obéissance et la stricte application de la parole. Nous avons entendu que le chemin de Dieu consistait à aimer sans tenir strictement à la parole. Encore ce soir, apprenons l'obéissance à la parole. Même si tu n'as pas ces aptitudes, tu es né méchant et pécheur. Mais plus tu écoutes, plus tu peux t'exercer, plus tu peux t'entraîner, tu peux essayer, et Dieu t'assistera, il te secourira, et il te complétera, parce que ce fort naturel, moi, que Dieu te bénisse, nous nous mettons debout pour la prière. Par le Seigneur, je suis délivré par sa parole. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré par le Seigneur. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré par le Seigneur. Je suis délivré par le Seigneur. Je suis délivré par sa parole. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré par le Seigneur. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré par le Seigneur. Je suis délivré par le Seigneur. Je suis délivré par sa parole. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré par le Seigneur. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré par le Seigneur. Je suis délivré par le Seigneur. Je suis délivré par sa parole. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré par le Seigneur. Oh, auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré par le Seigneur. Appuie les mains. Oh, Yesu, asi kolinga, kolo, asi koli, naina lilo, kala kala, kala kala, nalanda ke satana. Koro Yesu, ase kolinga, o kala kala, nalanda ke satana. Koro Yesu, ase kolinga, koro Yesu, akangolinga, akangolinga, aina lilo, kala kala, kala kala. Nalanda ke satana lilu polo yesu asikoli o kala kala nalanda ke satana kolo yesu akangolinga kolo yesu akangolinga akangoling naina liloba. Kala kala, nalanda ke satana, lilu polo yesu, akandoli. Oh, kala kala, nalanda ke satana, polo yesu, akandoli. Polo yesu, akandoli. Akangolinga, Kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala Akangolinga, akangoli, naina liloba, kala kala, nalanda kesatana, oh Yesu, akando, oh kala kala, kala kala, nalanda kesatana, oh Yesu, akangolinga. Es-tu délivré par la parole? Continue à être délivré. La parole agit chaque jour. Elle parle chaque jour. Elle est envoyée chaque jour. Persévère dans la délivrance. Et pour vaincre, l'unique moyen, c'est la parole. Prions chacun maintenant, rendant gloire à Dieu. Que Père Céleste, nous te rendons gloire au nom de Jésus-Christ pour ta volonté que tu nous as fait connaître. L'unique moyen pour vaincre, l'unique manière pour vaincre, c'est d'obéir et d'appliquer la parole de Dieu. Accorde à chacun de s'en tenir à la parole de Dieu. De ne pas compter sur ses propres raisonnements, sur ses propres sentiments, sur sa propre logique, sur sa propre mentalité, sur ses propres habitudes, même parce que la coutume, et les manières familiales, et les manières des tribus, ou de la nation, mais que chacun se confie dans la parole, pour apprendre la manière de faire de Dieu, pour s'entraîner et maîtriser la manière de réagir de Dieu, conformer à chaque recommandation, pour vivre chaque parole qui sort de ta bouche. Aide mon frère, aide ma soeur. Entend le cri de nos cœurs le plus sincère. Nous voulons, Seigneur, que cette pression pénètre au point de changer nos habitudes, au point de bousculer tout le mal dehors, au point de chasser les sales habitudes loin des mauvaises humeurs, des rancunes, des conflits, des inimitiés, des vengeances, la méchanceté, la haine et toutes ces choses insensées. Produit la foi dans nos cœurs. La foi de Jésus. La foi de la parole. Qui vient de la parole. Et se nourrit de la parole. Qui croit par la parole. Et triomphe par la parole. Développe une telle foi à chacun de nous. Une foi fidèle à la parole. Emprisonné dans la volonté de Dieu. Pour être semblable à Jésus-Christ. Débarrassez-nous de murmures. Débarrassez-nous de plaintes. Débarrassez-nous des inquiétudes. Mets ta paix dans nos cœurs. Mets la foi stable au-delà de nous. La confiance absolue dans le Dieu vivant. Dieu qui ne délaisse jamais sa parole. Dieu qui accomplit toutes ses promesses. Dieu qui est fidèle à toute sa vie. Ancre notre foi en toi. Ne laissez pas nous éloigner de toi. Ne laissez pas imiter le monde. Ne laissez pas nous débrouiller. Tu nous as déjà encadré. Tu nous as donné la formation. Nous voulons être débrouillards. Mais nous voulons être des fidèles de Dieu. Appliquant les consignes et voyant les résultats. Appliquant la parole et voyant les miracles. Appliquant la parole et voyant les prodiges. Qu'il en soit ici tous les jours. Alors que nous regardons à toi. Jésus-Christ, le miséricordieux, le compatissant, le souverain sacrificateur, l'ordre ministériel, le fidèle dans tous les services, dans la maison spirituelle du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous offrons cette prière par la foi et nous disons Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous garde. Dans le bâtiment.